C'était de la gonzesse. Tell me why. C'était le bon vieux temps. Jimmy Somerville. Un petit piano. Vous savez penser. Là, j'ai retrouvé l'album. On va arrêter là. On va arrêter là. Ouais. Car ma femme, elle m'appelle. Oui, sûrement. Je vais essayer avec Milos. Ça lui fera plaisir. Bon, c'est l'heure de la soupe.